Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 21 avril. Merci de vous réveiller avec France Culture. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, avec au programme notre série consacrée au Caravage cette semaine. Dans un instant, le deuxième épisode avec Olivier Vickers, Devenir Caravage. Et puis en deuxième partie, on parlera de l'art contemporain et je serai avec l'artiste Jérôme Zander qui expose en ce moment à la Maison Rouge à Paris. Bonjour Olivier Vickers. Bonjour. Notre tête chercheuse pour nous parler du Caravage cette semaine. Caravage, perdre le jour. Hier, on a parlé de David tenant la tête de Goliath. C'était le premier épisode, l'épisode finir. Aujourd'hui, vous nous emmenez à Rome en 1590 avec ce tableau d'un jeune homme portant un panier de fruits. Et vous proposez commencer comme intitulé de cet épisode. Absolument, je crois que la tête chercheuse va essayer de fuir les décapitations par lesquelles nous avons ouvert cette série. Je crois que ce sera plus prudent de ma part. Et donc commencer va nous éloigner de ce dernier David et Goliath de 1610. Nous sommes en 1590 à Rome, une ville où on sait ce que peindre veut dire depuis que Michel-Ange et Raphaël ont notamment donné à la peinture romaine, ou du moins faite à Rome, toute sa noblesse. Et en 1590 à Rome, on ne parle plus que des tableaux clairs et lumineux d'un jeune homme venu du Nord quelques années plus tôt. Ce sont des portraits de jeunes gens chevelus et bouclés près des fleurs et des fruits, vus dans la transparence des verres et des carafes. Et avec cette peinture qui plaît aussitôt et infiniment à un public très privé de lettrés, princes, marquises et cardinaux, qui commencent de former dans leur palais ces premières collections qui plus tard donneront nos musées, on croirait enfin, avec cette peinture, voir, sans frein ni obstacle, comme à travers une vitre, une glace sans teint. Nous parlons ici, pour commencer, en effet, de ce jeune homme tenant un panier de fruits, un tableau de petite taille, carré, coupé à la taille, vu de près, et nous sommes au premier pas de ce jeune homme inconnu qui ne s'appelle pas encore Caravage, mais Mérisy, et j'aime bien ce nom Mérisy, sa finale acidulée qui agace le palais comme les fruits, les groseilles ou les cerises qu'il va peindre, jusque dans ce panier de fruits tenu par le jeune homme. Une période à la fois mineure, puisque nous sommes face à une peinture de genre, mais déjà très virtuose et avec suffisamment d'ambiguïté pour qu'on se dise que si elle est de genre, par opposition à la peinture sacrée ou mythologique, qui est la grande peinture à l'époque, en tout cas c'est certainement une peinture d'un drôle de genre, et comme on n'en avait jamais vu. Le succès d'ailleurs obtenu auprès de ces marquis, cardinaux, banquiers, intrigue, on dirait que cette peinture nouvelle les soulage, et peut-être même qu'elle les venge. Alors ce sont à perte de vue des scènes de concert, des musiciens seuls ou à plusieurs, des joueurs de lutte, des banquets, des jeunes gens aux joues rougies qui lèvent devant eux une coupe de vin, mais ce sont aussi strictement entendu des scènes de genre, diseuses de bonne aventure, joueurs de cartes, qui donneront plus tard ces fameuses bamboches dont on voit de très beaux exemples, pour autant que des bamboches puissent jamais être belles, au Petit Palais actuellement dans l'exposition des Bas-fonds du Baroque, que je sais vous êtes allé voir et que vous avez beaucoup aimé, et vous avez raison, c'est une belle exposition. Et on n'est pas tout à fait d'accord, mais on en parlera jeudi. Si vous voulez bien. Même si on ne dira jamais assez que Caravage n'eût pas été caravagesque, hein, qui a une dimension de trahison évidemment, puisque le tragique est perdu au profit de l'anecdote. J'anticipe sur notre conversation de jeudi. Oui, mais sauf que là, c'est assez étonnant. Vous êtes en train de nous parler du Caravage, qui est associé au crépuscule, à quelque chose de plus sombre, et là, c'est un tableau lumineux et plutôt gai. Voilà, donc effectivement, ceux qui en tiennent pour le génie tragique de bout en bout, le malheur incarné, le mal finir, sont un peu déroutés par cette période très gaie, lumineuse. On peut dire que c'est une période à la fois proustienne et verlainienne. Alors c'est le Verlaine des fêtes galantes, hein, souvenez-vous, là aussi, souvenir d'école, masques et bergamasques qui vont chantant l'amour vainqueur et la vie opportune. L'amour vainqueur sera d'ailleurs le titre d'un tableau extrêmement célèbre de Caravage à cette époque, conservé derrière un rideau, comme le sera plus tard l'Origine du monde, par Lacan, derrière un rideau. Et vous voyez parfois la beauté, la grandeur, c'est ce qu'on ne peut regarder en face, sans danger, d'où ce dispositif de rideau. Période proustienne aussi, puisque ces jeunes gens, toujours un peu les mêmes, les joues rougies, les lèvres entrouvertes, les yeux mi-clos, leur chemise blanche glissée sur un cou, une peau nue, que ce jeune homme portant un panier de fruits évoque évidemment l'ombre des jeunes gens en fleurs. Enfin, on sait que les jeunes filles de Proust étaient des jeunes gens. Je ne sais pas si les jeunes gens de Caravage sont des jeunes gens ou des jeunes filles, mais enfin, on sent cette période très virtuose, gaie, légère. Proust lui-même n'est pas un auteur sans ombre, et pourtant, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, Julie Lapsus, c'est aussi un titre de Proust, bien sûr. On pourrait aussi citer Rimbaud, le Rimbaud de « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans », Mérisy en a 19, et il peint, par opposition à la peinture sacrée, prestigieuse, empesée, comme on soulèverait les jupes de la vieille peinture, d'histoire, la peinture sacrée qui, visiblement, l'ennuie tellement qu'il ne souhaite pas, quand il démarre, de manière autonome, sorti de l'atelier, reprendre à son compte, au profit d'une peinture, au contraire, de genre, normalement considérée comme, je le disais, mineure. Des anecdotes célèbres nous disent qu'à l'atelier, quand tous se battent pour peindre, qui une architecture, qui un visage, puisque dans la hiérarchie, la chose la plus importante, évidemment, on va de l'inanimé à l'animé, l'animé de l'animal à l'humain et de l'humain du corps au visage. Donc quand tout le monde se bat pour être près du maître et peindre un visage, Caravage, dans un coin de l'atelier, répète indéfiniment des guirlandes de fleurs et de fruits. Donc vous voyez, refus de reconnaître aussi les valeurs du temps. Barthes disait être moderne, c'est savoir ce qui n'est plus possible. Avec Caravage dans ses débuts, on est typiquement dans cette rupture avec un processus de transmission. Soudain, un artiste, le mot n'existe pas encore à l'époque, paraît, et lui, il ne reprend pas à son compte l'hierarchie précédente. Alors, on retrouve déjà les bizarreries qui plaisent tant au tenant du génie présent et visible partout, puisque ce jeune homme tenant un panier de fruits, et puis les autres tableaux de genre dont j'ai parlé, ils sont sur des fonds nus et sans décor. On ne sait pas à quelle heure on se trouve, si on est à l'aube ou à midi, ni même vraiment avec qui, si on est dans un dedans ou dans un dehors. Et donc, il y a des éléments d'incertitude déjà sur le lieu à qui on a affaire, qui sont tout à fait troublants. Et c'est une peinture, on va y revenir, qui cherche évidemment à troubler. Le thème de la présentation que j'évoquais hier matin à propos de la tête de Goliath, on le retrouve, puisque ce jeune homme nous présente un panier de fruits, nous l'offre, et d'une certaine manière, il s'offre avec, sans doute, et il fait comme s'il nous connaissait, comme s'il avait ce qu'il nous fallait. Et qu'en quelque sorte, nous lui avions demandé, sans qu'on se souvienne d'ailleurs, de l'avoir pourtant sollicité. D'ailleurs, et pour avoir une idée, bien sûr, de ce tableau de jeunesse du Caravage, plusieurs liens sont à votre disposition à la page de l'émission « Un autre jour est possible ». Olivier Wickers. On verra comme Caravage, justement, aime les éléments juxtaposés et déteste les liens. Donc je pense que ce rappel des liens que vous faites à propos de sa peinture eût été pour lui une occasion supplémentaire de produire de nouveaux tableaux contre le lien. Mais je conseille aux éditeurs de suivre, en effet, les liens que vous leur proposez. Donc, tableau de présentation, tableau qui feint nous connaître, agaçant, irritant, tableau qui renvoie l'idée du désir. Je vous mets sous le nez des fruits, vous ne les mangerez pas. Supplice de Tantale, mais aussi supplice du désir en général. La peinture insiste sur ce qu'elle a, des fruits, tout ce qu'il nous faut, tout pour nous plaire. Et en même temps, elle rappelle ce qu'elle est. Seulement un tableau, une illusion, un mensonge, peut-être une chimère, certainement un jeu de masque. Et on sait combien un mensonge qui se dénonce renforce chez l'interlocuteur, le spectateur, le trouble. Allez voir la bohémienne du Louvre, qui est un tableau de cette époque, où on voit que la bohémienne, feignant prédire l'avenir, en profite pour dérober à un jeune homme apparemment très distrait la bague qu'il portait au doigt. On se sent aussi un peu bête à regarder... pourquoi regarder un tableau de jeune homme portant des fruits? Surtout que les titres, si vous regardez la cartouche du musée, vous avez une image de jeune homme avec un panier et vous lisez jeune homme avec un panier. Et dans ce rapprochement d'une langue finalement qui n'a rien à nous apprendre sur l'image, que l'image dissuade, rend littérale, vaine, il y a ce projet de la peinture qu'on va voir se former, se déployer chez Caravage, que finalement les mots nous font perdre quelque chose. Et la peinture, au contraire, dit sans mots ce que les mots nous font perdre. Évidemment, avec ce jeune homme, les yeux mi-clos, les joues rougies, le désir, les fruits, on pense à l'amour. Et l'amour, on le sait, n'aime pas les mots. Dans un autre tableau de la même époque, le joueur de luth, d'ailleurs, Caravage écrit à l'envers, sur une partition, « Vous savez que je vous aime ». Et ce jeu sur le savoir, finalement, que sait-on d'un tableau? Je le disais, la bohémienne dérobe au jeune homme sa bague, le jeune homme fait comme s'il ne le savait pas. Et peut-être que dans tout jeu avec la peinture, il y a ce jeu à faire comme si on ne savait pas que c'est un tableau. Vous savez que les religions ou les mythologies d'Ovide nous présentent toujours des scènes, des dangers de la peinture, où l'on finirait par confondre la peinture avec la réalité. Ce sont les oiseaux qui prennent les raisins pour de vrais raisins, et les hommes qui ne reconnaissent pas dans le rideau un tableau, mais croient voir un rideau qui cache un tableau. Or, en fait, chacun peut en faire l'expérience, il est quand même extrêmement compliqué de se tromper entre un tableau et la réalité. Donc en fait, quand Caravage fait tout ce jeu sur « faites comme si vous ne saviez pas, que je vous vole votre bague, votre temps peut-être, quand vous regardez ce tableau, faites comme si je ne savais pas, vous ne saviez pas que c'est un tableau », en fait, il insiste aussi sur le fait « sait-on vraiment ce que c'est qu'un tableau, vous et moi ?» Un tableau, oui, matériellement, mais finalement, quelle est la raison du temps qu'on passe devant un tableau ? Et là où le jeu caravagesque devient dès ses débuts très compliqué, c'est que il y a comme un rappel, une invitation à feindre ne pas savoir ce qu'en vérité on ne sait pas. Et on y reviendra avec les figures de Saint Jean-Baptiste cette semaine. Mais restons sur cette toile, ce jeune homme portant un panier de fruits, les premières années de Caravage. On peut même faire peut-être une comparaison avec une autre toile qu'on peut admirer en ce moment à l'expo, Jacquemart André, le jeune homme mordu par un lézard. Peut-on dire, Olivier Vickers, que ce sont des tentatives d'autoportrait, peut-être pas physique, mais aussi du caractère du jeune Caravage? Alors, je pense que votre rapprochement est tout à fait pertinent, mais je le prendrai, et c'est là aussi la richesse d'une conversation fut-elle aussi matinale que la nôtre, je le prendrai par l'angle de la nature morte, présente dans les deux tableaux. Ce qu'aime beaucoup Caravage, Caravage disait lui-même, ça avait beaucoup choqué, ça ne me donne pas plus de fatigue de peindre un fruit qu'un visage. Et par rapport au sens des hiérarchies que je rappelais, c'était évidemment un propos scandaleux. Or, Caravage, dans la nature morte, met en scène un monde idéal où les choses, les objets colorés se touchent, sont vus mais ne se savent pas vus, n'ont de relation entre eux, ces fruits, ou entre elles, ces choses, que de contact, de perception, et c'est une sorte de monde d'avant le regard. On a cité la Genèse en début de série, rappelez-vous aussi, Adam et Ève sont nus, et c'est après la faute, après avoir mangé la pomme, qu'ils virent qu'ils étaient nus. Et donc, ce monde idéal où les choses sont visibles, ne se savent pas vues, sont belles et innocentes, c'est le monde de la jeunesse qui va être, auquel il va être mis un terme par la faute du regard. Et dans l'insistance de Caravage, à la fois à faire des visages comme des fruits, à tant aimer les fruits, les montrer, les groseilles, les raisins, les cerises, les grenades, il y a cette nostalgie ou ce rappel d'un monde qui fut d'abord visible, qui fut d'abord innocent de la faute du regard. Et même quand il introduit des éléments d'ironie, très classique dans la peinture des vanités, il ne faut pas s'y tromper, feuilles mitées, fruits gâtés, ça n'est pas la certitude de la fin chez Caravage. Un peintre de vanité, il nous dit on va mourir, on le sait même si on n'a pas envie de le savoir. Caravage, c'est l'inverse d'un peintre de vanité, c'est le rappel d'une origine, origine visible, une innocence perdue, et ces jeunes hommes, ces paniers de fruits, mordus par un lézard, la morsure peut-être du souvenir ou de la réalité, c'est l'insistance en nous d'un monde perdu qui fut d'abord innocent, visible, traversé de perceptions, où les sujets n'étaient pas séparés mais simplement juxtaposés, où ils étaient séparés mais juxtaposés, mais sans cette conscience du regard, de la réciprocité et donc de la subjectivité. Et donc il y a dans cette peinture apparemment gaie et lumineuse, vous le rappeliez, aussi une sorte de nostalgie, voire déjà de tragique anticipé, sur ce qu'à voir, regarder, peut-être nous perdons. Et une ambiguïté pour ce qui concerne ces jeunes hommes qu'on pourrait voir comme de jeunes filles. Alors je crois que l'ambiguïté, c'est aussi qu'on passe sa vie, finalement, avec des gens qui ne sont pas notre genre. Faut pas se tromper, on peint pas forcément ce qu'on désire, on peint au moins qui est là. Et souvent on profane avec qui est là, celui ou celle qu'on aime, et qui nous a provoqué le malheur de ne pas être là ce jour-là. Olivier Vickers, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que cet épisode commencé aurait pu être aussi intitulé « Se démarquer dès sa jeunesse ». Le Caravage voulait se démarquer des autres. Alors, je crois que, quitte à céder à mon tour au romantisme du génie, qu'on n'est jamais totalement génial, si on ne pense qu'à se démarquer, on pense d'abord à être soi. Je crois que Caravage le rappelle, on se constate plus qu'on se connaît. Je crois que Caravage se cherche et a la chance, comme certains génies, de se trouver très vite. Caravage, perdre le jour, c'est notre série de la semaine. À retrouver, bien sûr, sur franceculture.fr. Nous, on se retrouve demain pour la suite, Olivier Vickers. Mais avec plaisir. autre jour est possible. Votre réveil culturel par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Et mon invité aujourd'hui est Jérôme Zander, qui expose à la Maison Rouge jusqu'en mai. Une drôle d'exposition. Bonjour Jérôme Zander. Bonjour. D'abord, êtes-vous un peu, beaucoup ou pas du tout caravagesque, pour rester en liaison avec la première partie de l'émission? C'est une question qui est très difficile. J'ai été très très impressionné par l'œuvre du Caravage quand j'étais à l'école des Beaux-Arts. Alors dire que je suis caravagesque, je pense que ça serait rentrer dans des confusions, quoi. C'est un travail et des questions qu'il a posées dans la peinture qui m'impressionnent et qui m'ont formé. Mmh. Mais voilà. Alors, on va tenter de résumer votre univers graphique par du sens, et en partant, par exemple, du titre de l'exposition, Fatum, qui renvoie au mot latin destin, bref, mektoub, un enchaînement d'événements autant graves qu'inéluctables. Est-ce que cet exercice, Jérôme Zander, d'ailleurs merci hein, de dessiner pendant ce temps-là, dessin qu'on va retrouver à la fin de l'émission sur franceculture.fr, la page de l'émission Un autre jour est possible. Est-ce que mettre des mots sur votre travail est un exercice qui vous intéresse, qui vous est facile ou pas du tout? Pour moi, c'est très difficile, d'autant que j'essaie de faire en sorte que le dessin se suffise à lui-même. Donc j'ai beaucoup de mal à rajouter une dimension autour du verbe, enfin comme ça, sur les dessins. Et là, en l'occurrence, le titre de l'exposition Fatum, qui est aussi lié au motif de la traversée, enfin etc. La façon dont j'immerge le spectateur dans le travail. On en parlera après, mais c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure du travail. C'est pas du tout quelque chose qui était un programme. Ouais. Non. Ouais. Par exemple, là, vous dessinez pour l'émission, pour Un autre jour est possible. Est-ce que vous avez déjà une idée du dessin que vous voulez nous laisser? J'en ai aucune idée. Je suis le dessin, ouais, dans tous les sens du terme. Donc j'essaie d'aller au fil de ce que les lignes peuvent donner à voir et à penser. Et puis on verra bien après ce qui va se passer, quoi. Alors on pénètre votre exposition comme si on entrait vraiment dans vos dessins. La déambulation de l'expo est particulière puisque les dessins sont tout aussi bien sur le sol qu'au plafond, débordant les murs, donc sans possibilité de recul. Pourquoi cette installation, Jérôme Zander? Je pense très très rapidement, il y a deux choses qui conduisent à cette tentative. Il y a d'une part le fait que je pense que pour moi dessiner, c'est poser des problèmes de limite, et aller au bout de cette volonté là c'est donc excéder le dessin, mais aussi dans l'espace. Donc ça, c'est quelque chose que je me donne un peu comme perspective dans mon travail depuis à peu près 3 ans. Après, il y a aussi le fait que dans cette exposition que je conçois comme une traversée, mais presque comme un peu la traversée d'une vie, j'ai plus envie finalement qu'on parcourt et qu'on éprouve l'exposition physiquement plutôt qu'on la visite. Donc c'est une façon pour moi de en plongeant les gens dans le dessin, de les faire participer au dessin, de les faire dessiner aussi en quelque sorte, quoi. Alors Jérôme Zander, vous êtes parisien, Beaux-Arts de Paris, promo 2001, oui. Et votre dogme à vous, si j'ose employer ce mot, est de ne pratiquer le dessin qu'en noir et blanc, en débordant des dimensions habituelles, que ce soit la feuille de papier ou n'importe quel espace d'exposition, et sans jamais de retouche ou de reprise. Donc autant de règles contraignantes, qui n'empêchent pas d'ailleurs, et c'est ça qui fait votre force, qui n'empêche pas un large éventail de représentations et de styles. Mais pourquoi partir de là? Pour vous, ce sont des règles, une religion? Enfin, oui et non. De toute façon, une limite ou une règle, ça c'est fait pour être dépassé. Donc moi, je le conçois comme ça. Hein. C'est des règles de jeu, quoi. Parce qu'il me fallait des bornes, enfin, des bornes au, enfin, comment dire, au projet que j'avais, quoi. C'est plus facile de délirer à l'intérieur d'un espace que dans un truc complètement infini, quoi. Donc le dessin me sert à ça, et les règles que je me donne, ça sert à prendre la mesure de ce que je peux faire, et puis essayer de le dépasser comme ça, expérience après expérience. Alors, moi, en allant dans voir votre exposition, Jérôme Zander, entre les traumas de l'histoire et les inquiétudes du présent, j'avais vraiment l'impression que vous vouliez nous plonger dans un univers plutôt inquiet. Mais ça, c'est ma lecture. Quelle est la vôtre, Jérôme Zander? S'il fallait mettre des mots sur votre travail? Je pense que c'est un projet qui est plus ouvert, qui est pas... Je suis pas... Enfin, même si l'espace de l'atelier, c'est un espace qui est quand même assez poreux, je suis pas dans l'actualité, quoi. Le rapport que moi j'entretiens à la violence dans mon travail, et qui est une violence qui est liée à l'histoire et à l'histoire de l'art, c'est plus quelque chose qui s'est trouvé sur mon chemin par le biais du dessin, quoi, du désir du dessin. J'avais pour projet au départ de travailler le portrait. J'étais très influencé par Ingres, par Dürer, enfin des gens comme ça qui ont été au début des désirs de travail, quoi. Et au fur et à mesure du temps, après c'est des rencontres avec Autodix et enfin d'autres gens et qui ont été aussi marqués par leur époque. Et puis finalement, il y avait une espèce de constat qui est un petit peu banal, hein, mais c'est faire le portrait de l'époque, c'était difficile dans une avec un projet comme ça, de faire l'économie de la violence. Alors ça se retrouve de plusieurs façons dans les dessins et puis dans la façon que j'ai de traiter le dessin, quoi. Et ça retrouve pourquoi? Parce que vous le vivez au quotidien, vous le vivez à partir de votre regard de l'actualité, ou c'est la suite de votre liste de références depuis Ingres? On peut pousser jusqu'à la bande dessinée, ou même Vinschlus, ou même le cinéma comme Cronenberg. Complètement. Je pense que c'est un mélange des deux. C'est largement un questionnement culturel, hein, parce que je suis pas non plus en danger personnel. Donc voilà, j'ai cette chance-là, quoi. Donc bien évidemment, les temps qu'on traverse peut-être nous rendent plus sensibles à tel ou tel type de choses. Je pensais au fait je parlais récemment autour de Ribera, et puis on évoquait le fait qu'il était dans une période de tumulte, et puis lui, un endroit de la société où il y était plus sensible que d'autres au même moment, et ça se voyait dans la production de la peinture. Donc là, peut-être qu'on pourrait dire ça en me regardant évoluer, mais je pense que c'est les motifs de la violence et la façon dont ça a travaillé la forme dans l'histoire. C'est plutôt là que je vais chercher ce genre d'aspiration, quoi. Pour exprimer quoi? Pour exprimer ce que vous ressentez vous-même vis-à-vis de cette actualité? Vous vouliez plutôt réveiller les consciences, passer des messages, tenter de faire passer un message? Non, parce que je pense que c'est très difficile d'énoncer des choses par le biais d'un espace symbolique. C'est plus faire sentir une condition, mais qui est une condition tragique et qui est partagée par l'espèce depuis le début de son histoire. Et puis ça veut dire, c'est qu'on est traversé et puis travaillé par des espaces narratifs et physiques qui sont en action les uns les autres, et puis qui sont des occasions de failles et de hiatus à l'intérieur de nous, quoi. Est-ce que, Jérôme Zander, vous pouvez décrire une de vos œuvres exposées, donc, dans le cadre de cette exposition, Fatum, à la Maison Rouge? Cette œuvre qui a pour titre « Jeu d'enfant ». Oui, alors oui, donc c'est un dessin, donc « Jeu d'enfant » numéro 1. C'est un dessin qui date de 2010, qui est fait au fusain et au crayon, qui mesure 150 par 150 centimètres, donc c'est un carré. Ça, j'aurais pu le faire, mais pour décrire... D'accord, donc c'est une scène de qui représente donc trois enfants dans une chambre, et qui se livre à un jeu un petit peu ambigu, donc d'un jeu de ça serait quoi, ça serait du prisonnier, de la scène de torture, du jeu des Indiens, ou des choses comme ça, des jeux de guerre. Ah oui, c'est deux enfants armés et puis qui... Alors, il y a deux enfants... Qui semblent prendre un plaisir à torturer un troisième, voilà. Qui a les mains ligotées, assis sur une chaise, comme on a pu voir, effectivement, ou entendre, ou dans des récits de guerre, quoi. Sauf que, justement, l'enfant donc qui est assis avec un sac sur la tête se tient lui-même les mains derrière le dos sur la chaise et attend que la scène, finalement, se passe, quoi. Donc, c'est vraiment Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces glissements, quoi, autour de finalement du grotesque, où il y a tout qui serait, quoi, nivelé dans le jeu, et qui est en fait un générateur soit de rire et d'ambiguïté, soit d'inquiétude et puis de frayeur, quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la tension entre les deux. Et là, en l'occurrence, les deux enfants qui nous font face rient, quoi. Enfin, de bon cœur même. Donc c'est vraiment un jeu de tension comme ça et qui est lié au sens et à la représentation de la scène et qui est servi après. Enfin moi là c'est là que ça m'intéresse et que ça devient à mon sens un dessin servi dans l'écriture par le fait que la tension que j'essaie de raconter, j'essaie aussi de la rendre sensible vraiment en forçant le caractère de ce que c'est un corps d'enfant vers presque la comment dire les proportions et la densité de membres d'adultes en fait. Et pour terminer, votre dessin, encore un dessin de mutant, encore un dessin mutant d'ailleurs, je devrais dire Jérôme Zander. Encore un dessin mutant, oui. Le monstre, le dessin mutant, c'est un dessin vivant quoi. Enfin, c'est un corps vivant en tout cas. Donc voilà, ça change, ça ne se définit jamais, ça ne s'arrête jamais. Donc. Et aujourd'hui, quels sont les peintres, les dessinateurs, les artistes qui vous interpellent, Jérôme Zander, comme on disait dans les années 70. Il y en a plein. Interpellé. Je suis interpellé, il y en a plein. Là, tout de suite, je pense à Guillaume Bresson, qui est un très grand peintre. Je pense à Youssef Korichi, qui est un très, très grand peintre. Axel Pallavi, Damien Deroubet, Damien Cadio. Enfin, il y en a plein. Non, mais il y en a trop. Il y en a pas trop. Parce que tout. Il y en a énormément. Enfin, des gens qui font des choses extraordinaires en ce moment. Uh-huh. Donc, je sais pas. On pourrait passer des heures à tous les citer. Mais est-ce que vous Winchlous passez... aussi, d'ailleurs, je pensais. Ouais, en bande dessinée. Edika, j'adore. Edika, Gottlieb. Pour moi, Gottlieb, c'est un très, très grand dessinateur. Ouais. Willem aussi. Willem, il m'a mis des claques quand j'étais tout petit. La bande dessinée, c'était une entrée pour vous au monde de l'art avant d'atteindre après. Les Beaux-Arts. Ah, c'est après les Beaux-Arts? Ouais. Enfin, après, j'avais pas de BD quand j'étais petit. C'était très triste. Non, mais j'ai découvert ça plutôt vers 19 ans. Et du coup, j'ai lu beaucoup de choses, mais énormément, enfin, dans un temps très, très raccourci, quoi. Ça m'a ouvert à ce que ça pouvait être la pluralité, justement, d'écriture en dessin. Est-ce que vous courez les expos? J'ai pas trop le temps, je devrais en voir plus. Mais, ouais. Est-ce que vous vivez bien de votre art, Jérôme Zander? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Hein. Ouais, bah c'est difficile. Hein. Enfin, j'arrive à ne faire que ça, mais c'est pas facile. Mais voilà. Mais c'est un très grand plaisir. Donc, Votre expo Fatum, c'est jusqu'au 10 mai à la Maison Rouge à Paris, du côté de Bastille. Merci d'être passé ce matin. Bah, merci beaucoup. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le dessin de Jérôme Zander en passant par franceculture.fr. Bonne journée, à demain.